Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 137e émission de Ose et Jazz à tous les étages, toujours en compagnie de Maxime qui assure la technique derrière sa vitre. Et donc saison 5, épisode 30, émission Tour Lake Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers qui n'est pas le début de cette émission. Il y a déjà 5 saisons, oui. Voilà, et comme toujours pour commencer, nous allons débuter avec une rubrique générique. Comme d'habitude, avec notamment cette musique d'un film qui a connu un beau succès en 1969. Le film s'appelle Macadam Cowboy, à l'origine ça s'appelait Midnight Cowboy, là-bas aux États-Unis. Un film de John Schlesinger qui raconte l'histoire de deux garçons un peu perdus dans New York, l'un qui vient de son Midwest original, habillé en cowboy en permanence et qui espère faire fortune dans la grande ville de New York. Et puis il va s'acoquiner un peu avec une petite frappe de la ville, incarnée lui par Dustin Hoffman. Le grand cowboy, c'est bien sûr John Voight. Dustin Hoffman, donc un garçon à la sangle gay, que John Voight appelle Ratso, le petit rat, dans son langage à lui. Et puis donc leurs histoires, leurs démêlés dans cette grande ville où ils sont tous les deux un peu perdus, un petit peu des personnages qui sont pas vraiment à leur place et qui n'arrivent, ou du moins qui n'arrivent pas à trouver la leur. Voilà, va se terminer sur la de Miami avec la mort de Ratso, mais je ne vais pas vous dévoiler toute la fin du film, parce que si jamais vous ne l'avez jamais vu, il faut absolument le voir. Donc la musique du film dans son ensemble est signée du grand John Barry pour les musiques instrumentales. Le film, lui, se termine notamment sur une chanson qui est devenue vraiment un hymne justement à la liberté, aux possibilités et au fait de ne pas écouter les voix qui se moquent de vous. Le morceau s'appelle Everybody's Talking. Il est chanté dans ce film par Harry Nilsson. Alors c'est un morceau qui était apparu sur son album précédent, Harry Nilsson. Harry Nilsson qui est un chanteur plutôt pop, qui a connu son heure de gloire grâce à ce titre, et également avec un autre titre qui lui aussi est devenu très célèbre. C'est un morceau qui s'appelait Without You, qui est devenu un grand standard. Alors ce qui est très curieux chez ce garçon, c'est qu'il a eu ses deux plus gros succès avec ces deux chansons-là, qui sont des chansons qu'il n'a pas écrites lui-même, alors que c'est un formidable compositeur. C'était le chanteur et le compositeur préféré notamment de deux garçons qui s'y connaissaient un petit peu dans le domaine, c'est John Lennon et Paul McCartney, qui avaient dit tout le bien qu'ils pensaient de ce garçon-là en 1969. Malheureusement, sa carrière a connu deux grands succès qui n'étaient pas de sa propre main, puisque le morceau Everybody's Talking, qu'on va écouter par la suite, est l'œuvre d'un autre grand bonhomme, mais lui, forcément un petit peu moins connu du grand public, un monsieur qui s'appelle Fred Neil, qui faisait partie de la scène folk de New York. C'est un garçon qui a donné beaucoup de coups de main, notamment à un jeune garçon qui débutait à ses débuts, qui s'appelait Bob Dylan. C'est un garçon qui a comme ça côtoyé tous les plus grands, mais qui est resté un petit peu dans l'ombre, malheureusement, parce que c'est un très grand folkeux, comme on les appelait à l'époque, très grand monsieur, et donc qui a écrit cette chanson qui a dû lui rapporter énormément de droits d'auteur, j'espère pour lui du moins, puisque cette chanson continue encore aujourd'hui d'égayer les radios du monde entier. On va donc écouter ce Everybody's Talking de Harry Nilsson dans la musique du film Macadam Cowboy en 69. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. C'était Harry Nilsson, donc dans la musique du film Macadam Cowboy en 69. À noter parmi les choses étranges, Harry Nilsson est mort dans son propre appartement en 1994. Des suites d'un alcoolisme un petit peu sévère. Et il faut savoir que dans la même chambre était mort auparavant, puisqu'ils étaient potes avec lui, Mama Cass, la chanteuse des Mamas and Papas, et Keith Moon, le batteur des Who, donc à quelques années d'intervalle, en 74 et 78. Lui est mort en 94. Cette pièce-là, je ne sais pas s'il faut y aller. Hein. Je pense qu'on va éviter de se rendre en pèlerinage là-bas. Voilà pour cette petite histoire autour de Macadam Cowboy et de Harry Nilsson. On va passer maintenant tout de suite au coup de cœur, revenir à nos intérêts jazz avec le retour d'une chanteuse qui s'était fait un petit peu rare ces dernières années et puis un grand plaisir à retrouver. Il s'agit de Stacey Kent. Stacey Kent qui revient avec un nouvel album qui sort ces jours-ci, A Time for Love. Stacey Kent, formidable chanteuse américaine, mais très, très anglo et francophile, puisqu'elle est plutôt installée par chez nous maintenant, avec son mari, le saxophoniste Jim Tomlinson. Tous les deux ont connu une belle carrière dans le début des années 2000, avec une série d'albums qui ont eu un gros succès, Breakfast in the Morning Tram, Boy Next Door, vous avez sûrement un de ces deux-là au moins chez vous, Changing Lights, Tenderly, vraiment une très belle voix, un très beau filet de voix, un jazz tout à fait classique, tout à fait basique, mais vraiment interprété avec beaucoup de goût par cette chanteuse. Et son nouvel album donc sort, et dedans il y a quelques compositions et puis aussi de belles reprises, et notamment celle qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle Trains and Boats and Planes, un grand de Burt Bacharach, qui avait été popularisé, on l'écoutera par la suite par Dionne Warwick, mais là on écoute la version qui apparaît ces jours-ci sur l'album de Stacey Kent, Trains and Boats and Planes. Trains and boats and planes are passing by. They mean a trip to Paris or Rome for someone else, but not for me. the trains and the boats and planes took you away, away from me. We were so in love and high above, we had a star to wish upon wish and dreams come true. But not for me, the trains and the boats and planes took you away, away from me. You are from another part of the world. You had to go back a while and then you said you soon would return again. I'm waiting here like I promised to. I'm waiting here, but where are you? Trains and boats and planes took you away, and every time I see them I pray. And if my prayer can cross the sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. Trains and boats and planes are passing by, every time I see them I pray. And if my prayer can cross the sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me, back home to me. Stacey Kent avec cette reprise de Trains and Boats and Planes, le grand standard de Burt Bacharach et Al David, qu'elle chante vraiment divinement bien, cette histoire de trains qui ont emmené son amour et dont elle espère qu'il reviendra, soit par un train, soit par un bateau, soit par un avion, dans cette chanson, un grand classique de la tombeuse. Et donc, suite à l'écoute de cette version, on va écouter la version originale signée Dionne Warwick en 1966. Une chanson qui lui a permis d'asseoir encore un petit peu plus son influence et son succès sur les hit-parades américains. Dionne Warwick, qui était la cousine de Whitney Houston, mais qui ne faisait pas des vocalises dans tous les sens comme Whitney Houston. Quand on lui offrait une chanson, elle se contentait de taper sur la mélodie et de ne pas en sortir, etc. Elle était vraiment tout à fait au service de la chanson, plus que sa cousine. Bon, vous en devinerez d'après ce que je viens de dire, qui je préfère dans les deux. Dionne Warwick, donc, qui s'appelait de son vrai nom Dionne Warwick avec deux R, et en fait il y a eu une faute de frappe sur la sortie de son premier 45 tours, et c'est, du coup elle est restée avec cette faute de frappe et elle est devenue Dionne Warwick, et sa sœur qui s'appelait Didi Warwick, donc la mère de Whitney Houston, a gardé aussi cette faute de frappe dans son nom, puisqu'elle aussi a fait de la carrière dans la chanson. Ouais, donc Dionne Warwick, 1966, elle avait déjà eu beaucoup de succès avec Don't Make Me Over, Walk On By, I Say a Little Prayer, qu'avait repris ensuite, bien sûr, Aretha Franklin, Do You Know the Way to San Jose, et puis Alfie aussi, enfin bon, bref, un beau palmarès à son actif, puisqu'elle elle a reçu la bagatelle de 6 grammes Grammy Awards au fil de sa carrière, vendu plus de 100 millions de disques dans le monde. Donc vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, dont on entend moins parler aujourd'hui. Bon, ça, elle a mis un terme à sa carrière, elle est toujours de ce monde, heureusement. Mais vraiment, c'est une grande, grande dame de la chanson. Et donc on va écouter sa version originale, donc de Trains and Boats and Planes, maintenant, tout de suite. Thank you. boats and planes are passing by. They mean a trip to Paris or Rome for someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you for me, the trains and the boats and planes took you away, away from me. You are from another part of the world. You had to go back a while and then you said you soon would return again. I'm and planes took you away, but every time I see them I pray, and if my prayer can cross the sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. Dionne Warwick avec la version originale donc de Trains and Boats and Planes qu'on écoutait tout à l'heure par Stacey Kent sur son nouvel album. Voilà, on n'est pas très loin dans l'esprit de la manière dont c'est traité dans les deux versions, mais voilà, c'était bien de réécouter la belle voix de Dionne Warwick sur cette composition de ces deux génies qui étaient Burt Bacharach et Hal David. Alors là, on va changer radicalement de genre, même si on reste quelque part aux environs du jazz. Si on m'avait dit un jour que j'allais chroniquer l'album du bassiste des Red Hot Chili Peppers dans une émission de jazz, j'y aurais pas cru. Et pourtant, oui, c'est bien Flea lui-même, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui sort un album intitulé Honora ces jours-ci, et un album donc qui est un album de jazz. Voilà, il faut le prendre comme tel, un album en grande partie instrumental dans lequel Flea ne joue pas que de la basse, mais également de la trompette, puisque je ne le savais pas jusque-là, mais monsieur joue de la trompette depuis très longtemps. Il a même commencé par ça, avant de jouer de la basse. Il faut dire qu'il a été en partie élevé par un beau-père qui était lui-même un musicien de jazz, et qui l'a un petit peu traîné partout dans les clubs de jazz alors qu'il était tout jeune, et qui s'est imprégné de cette musique avant, plus tard, de rencontrer ses collègues, notamment le chanteur Anthony Kiedis, avec lequel il a monté les Red Hot Chili Peppers. Mais il a toujours baigné dans ce style-là, et puis il avait même rencontré à l'époque sa grande idole, Dizzy Gillespie, donc dire si déjà à l'époque il était versé sur la trompette. Et voilà, c'est tout à fait étonnant de le retrouver dans ce style-là, et on l'y sent complètement à l'aise. C'est un bel album, je pensais pas pouvoir en dire ça, parce que je suis pas toujours très friand de ces gens qui changent complètement de style et puis qui se vautrent parfois un petit peu en essayant de faire autre chose. Là, vraiment, on le sent complètement à l'aise dans ce style-là. On sent qu'il a été toujours un grand amateur du style jazz. Et bon, en plus des instrumentaux, etc., qu'il a pu faire dans cet album, il y a quelques invités chanteurs aussi qui viennent pousser la romance avec lui. Il y a Tom York de Radiohead, et puis il y a Nick Cave qui vient faire un beau duo sur une reprise de Wichita Lineman, un morceau de Jimmy Webb qui fut un gros succès par Glen Campbell en 1968. Et ils ont vraiment vraiment très bien réarrangé ce morceau. On retrouve l'esprit original, sauf que le côté folk country de l'original devient un côté un petit peu chanson jazz, chanson qu'on devine sortie d'un petit club, etc. Il faut dire aussi que sur cet album, Flea s'est entouré aussi d'un sacré paquet de bons musiciens, puisqu'il n'y a ni plus ni moins que l'un des meilleurs guitaristes jazz américain actuel, c'est Jeff Parker. Il y a la bassiste Anna Butters, il y a le batteur Dean Tony Parkins, Parks, pardon, et puis à la production et au sax et au clavier, il y a Josh Johnson aussi qui a beaucoup travaillé avec plein de musiciens, aussi bien dans le rock que dans le jazz. Donc un beau groupe pour l'accompagner. Et donc cette chanson, Wichita Lineman, qu'il interprète en duo donc avec Nick Cave. Nick Cave qui dans cette chanson a presque des intonations de Brian Ferry, le chanteur de Roxy Music. Vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Wichita Lineman, c'est parti tout de suite. Still alive. Flea en compagnie de Nick Cave sur ce Wichita Lineman qu'il redessine en morceaux un petit peu club jazz, un petit côté Tom Waits aussi par moment dans l'ambiance. Flea donc qui prend ce très beau solo de trompette là, tout simple mais vraiment très très très bien senti. Et voilà, donc l'album est dans cette lignée là, même les instrumentaux, c'est plutôt il y a quelques morceaux sautillants, mais dans l'ensemble c'est plutôt une ambiance assez cool comme ça tout au long de l'album. Alors on va écouter la version originale de Glen Campbell de ce morceau-là, une chanson qui a été écrite par l'un des plus grands compositeurs américains de chansons, Jimmy Webb. Alors ils avaient déjà eu un succès ensemble. Jimmy Webb avait déjà écrit By the Time I Get to Phoenix, qui avait été un gros succès par Glen Campbell en 1967, si ma mémoire est bonne. Et il avait aussi écrit un gros succès pour Richard Harris, l'acteur qui était aussi chanteur à l'époque, un morceau qui s'appelait MacArthur Park, qui a été repris ensuite, qui avait été un gros succès et qui a été repris aussi, qui est devenu un autre gros succès par Donna Summer 10 ans après. Mais voilà, Glen Campbell en 68 était en train de préparer un album, puis il avait l'impression qu'il lui manquait un peu deux trois morceaux, donc il appelle son pote Jimmy Webb et puis il lui dit voilà, j'aurais besoin d'une chanson là, tu peux pas faire quelque chose pour moi? Donc Jimmy Webb lui dit oui je vais voir ce que je peux faire et tout. Jimmy Webb commence à se creuser un peu la tête, se demande ce qu'il va bien pouvoir écrire comme chanson, et puis pendant qu'il est en train de réfléchir, il lui revient l'image d'un jour où il était en voiture et il voit un ouvrier qui était en train de travailler sur les lignes téléphoniques le long de la route. Vous savez, ces ouvriers qui sont perchés en haut des fils, enfin sur les fils en haut des poteaux pour arranger les câbles, etc. Donc et qui ça s'appelle un lineman en anglais. Et il dit voilà, il se disait cet homme qui est là-haut, qui est branché avec son casque et qui à la limite peut écouter les conversations téléphoniques parce qu'il peut se brancher dessus. Voilà, c'est une idée intéressante. Donc il commence à écrire une histoire d'amour en imaginant qu'il y a un ouvrier comme ça qui est en train d'écouter ce que sont en train de se raconter les amants. Voilà, et donc il fait un premier brouillon comme ça qu'il envoie à Glen Campbell et en lui disant je suis pas sûr que la chanson soit finie, mais voilà une première idée, une première ébauche et tout. Et Glen Campbell trouve ça tellement bien qu'il fonce en studio, il donne la partition, parce qu'évidemment tout ça a été écrit sur partition, ces gens savaient écrire à l'époque des partitions, et donc il l'étend aux musiciens et tout, et puis il leur dit on va essayer de faire quelque chose avec ça. Et hop, le soir même, la chanson était en boîte, enregistrée. Et donc, Glen Campbell rappelle Jimmy Webb en lui disant « Dis donc, super ta chanson et tout. » Et Jimmy Webb lui dit « Oui, mais je ne l'ai pas tout à fait fini là. J'ai eu une ou deux autres petites idées. Ah, écoute, c'est trop tard, elle est enregistrée. Donc voilà, tant pis pour tes idées et tout. » Et la chanson a été un succès phénoménal. Jimmy Webb disait lui-même après « Finalement, c'est peut-être pas plus mal que j'ai rien rajouté, parce que ça aurait peut-être gâché un peu la chanson. » Telle qu'elle était, ce brouillon était vraiment très très bon. Voilà pour cette chanson. Donc on va écouter ce Glen Campbell, qui avait été aussi un musicien très très en vue dans les années 60, puisqu'il était aussi guitariste. Au départ, il n'était pas du tout chanteur, il était juste guitariste, et il a joué sur plein d'albums de l'écurie Phil Spector notamment, et il faisait partie de ce qu'on appelait le Wrecking Crew, une équipe de musiciens qui enregistrait pour tout le monde, John Warwick par exemple, qu'on écoutait tout à l'heure. Et il joue aussi sur Pet Sounds, l'album des Beach Boys, c'est pour vous dire. Et il a même rejoint les Beach Boys pendant 2 ans pour tourner avec eux et apporter son soutien vocal. Voilà, quelqu'un qui a une carrière assez riche. Glen Campbell, donc on écoute la version originale de Wichita Lineman. I am a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the whine. And the Wichita lineman you still on the line? I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Alors là, si vous n'êtes pas dans les grandes prairies américaines en train de chevaucher un cheval à l'écoute de ce morceau-là, vous êtes perdu. Vous êtes perdu pour la musique. Laissez tomber. Voilà, c'était Monsieur Glen Campbell avec la version originale donc de Wichita Lineman que l'on avait écouté auparavant, reprise par Flea et Nick Cave sur l'album de Flea qui vient juste de sortir et qui est un étonnant album de jazz. On va passer maintenant au coup de cœur suivant avec Monsieur Charlie Wood. Monsieur Charlie Wood, c'est un chanteur et un clavier américain qui désormais est installé plutôt en Angleterre, mais qui a fait une longue carrière dans le milieu de la musique à Nashville au fil des années, où il a beaucoup accompagné des gens de la soul, du jazz et de la country également. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore assez peu connu par chez nous, mais qui voilà continue de travailler sur un style entre jazz et soul, une belle voix, un tout petit peu voilée, et puis un style voilà qui l'emmène, qui emprunte à la soul son style, parce que lui-même joue beaucoup d'orgue, notamment de l'orgue Hammond. Donc il y a toujours cette tonalité qui apporte cette teinte soul à sa musique. Et là, il sort un nouvel album qui s'appelle Your Love is My Home sur le petit label suédois Stunt Records. Et vraiment un bel album dans lequel il se partage entre reprises et morceaux originaux. Et dans cet album, bah pour vous donner un petit peu une idée, je vous ai sélectionné un morceau qui est une reprise, lui, le morceau Shipbuilding, écrit par Clive Langer et Elvis Costello au début des années 80, une sorte de protest song, mais une protest song pop contre la guerre des Malouines à l'époque, qui faisait rage entre l'Argentine et l'Angleterre, l'Argentine ayant occupé les îles Malouines, comme on les dit chez nous, Falklands, comme ils disent chez eux, à l'époque, et l'Angleterre était partie défendre ce territoire austral tout près de l'Argentine. Donc ça avait provoqué pas mal de protestations chez les artistes anglais. Elvis Costello avait écrit cette chanson avec Clive Langer qui s'appelait Shipbuilding. Alors il l'avait enregistré lui-même, mais le premier à l'avoir enregistré à l'époque, c'était Robert Wyatt, dont on écoutera la version juste après. Mais donc on garde dans cette dans cette chanson tout l'esprit à la fois protestataire, mais en douceur, c'est-à-dire que c'est une protestation non pas sur la guerre elle-même, mais sur le fait qu'on oblige les ouvriers à fabriquer des bateaux et des armes pour aller se battre. C'est pas directement le combat qui préoccupe les gens qui ont écrit ce morceau, c'est l'utilisation en fait de la main-d'œuvre comme arme de guerre, et c'est un peu terrible. Donc shipbuilding, c'est bien sûr la construction navale, c'est le sens de cette chanson, et c'est vraiment un très très beau morceau. On va écouter donc cette version qui figure sur l'album de Charlie Wood, son nouvel album Your Love Is My Home. Is it worth it? A new winter coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're gonna take me to task, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed in the result of this shipbuilding. With all the will in the world, diving for dear life, when we could be diving for pearls. Telegram or a picture postcard, within weeks they'll be reopening the shipyard, notifying the next of kin once again. It's all we're skilled in. We will be shipbuilding. When we could be diving. Diving for pearls. We could be diving. could be diving for pearls. Et oui, on pourrait aller plonger pour chercher des perles au lieu d'aller construire des navires pour faire la guerre. Voilà, c'est un petit peu le motto de cette chanson de protestation écrite par Elvis Costello et Clive Langer en 1982 et interprétée pour la première fois par Robert Wyatt. Ici, c'était la version très très très très belle version de Charlie Wood qui vient juste de sortir sur son nouvel album Your Love Is My Home. Je vous l'avoue tout de suite, cette chanson-là, c'est vraiment une de mes chansons préférées de tous les temps dans sa version originale par Robert Wyatt, justement qu'on va écouter maintenant. Et vraiment, c'est un grand exploit, je trouve, de la part de Charlie Wood d'avoir réussi à transcrire une version un petit peu plus jazz. Et puis, sa voix est un petit peu différente de celle de Robert Wyatt. Mais vraiment, il en fait une version absolument qui met les poils, comme on dit chez les jeunes. Voilà, donc on va écouter la version originale, donc qui, voilà, pour moi, est l'une des 10 plus grandes chansons du monde, de tous les temps. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Robert Wyatt, c'était un garçon avec un destin un petit peu particulier. Très grand batteur et chanteur qui a fondé en 1967 le groupe Soft Machine, groupe qui mêlait un petit peu jazz et pop et rock à l'époque, avec David Allen à la guitare, Kevin Ayers à la basse et au chant, et puis Mike Ratledge au piano, lui étant à la batterie. Deux albums, et puis il s'en va au moment de l'enregistrement du troisième. Ils fondent un autre groupe qui s'appelle Matching Mole, qui va connaître un petit succès aussi sur deux albums. Et puis la tragédie arrive. C'est un garçon qui n'hésitait pas, comme ses collègues d'ailleurs du groupe, à abuser un petit peu de substances diverses quand il faisait la fête. Et il se trouve que lors d'une fête comme ça, à Londres, eh bien, il a eu la mauvaise idée de sauter du quatrième étage. Et évidemment, l'atterrissage fut un petit peu douloureux, puisqu'il s'est retrouvé cloué dans une chaise roulante, la colonne vertébrale brisée. Donc fini la batterie forcément, et donc il a après continué sa carrière en tant que juste clavier et chanteur, puisqu'il pouvait encore faire ça. Et suite à cet accident, un an plus tard, il sortait un des plus beaux albums de toute l'histoire de la musique. N'ayons pas peur des mots non plus. J'ai toujours des superlatifs quand je parle de Robert Wyatt. L'album Rock Bottom, qui à l'époque était produit par le batteur de Pink Floyd, Nick Mason, et sur lequel on retrouvait des gens comme Michael Field, Fresh Freeze, Hugh Hopper, plein de gens importants à l'époque. Et cet album-là, justement, c'est la renaissance de ce garçon qui revit à travers la poésie et une certaine mélancolie. On serait à moins mélancolique quand on est cloué à vie dans un fauteuil, mais voilà, c'est vraiment un univers tout à fait particulier. Et puis il a continué à avoir quelques jolis succès, y compris des fois pop, avec une reprise de I'm a Believer des Monkees notamment, qui avait connu un beau succès commercial. Et puis donc en 1982, il interprète cette chanson donc d'Elvis Costello et Clive Langer, Shipbuilding, sur un petit 45 tours qui montera quand même jusqu'à la 35e place des charts anglais, donc un joli succès pour lui qui ne rentre jamais dans les charts habituellement. Et donc cette version-là, Shipbuilding, on va l'écouter donc par Robert Wyatt tout de suite. C'est vraiment pour moi une des plus belles chansons du monde. A new winter coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I the boy said, Dad, they're going to take me to task, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for telegram or a picture postcard. Within weeks they'll be reopening the shipyard and notifying the next of kin once again. La plus belle chanson du monde, Shipbuilding par Robert Wyatt. C'était la version originale donc, de ce morceau qu'on a écouté tout à l'heure par Charlie Wood, dans une très très très très belle version aussi, bel exploit de Charlie Wood. Et là donc c'était la version de Robert Wyatt en 1983. On va passer tout de suite à un autre coup de cœur avec Cécile Brocas qui sort un album qui s'appelle That Was a Dream. C'est son premier album. On en avait déjà parlé il y a quelques temps, quelques mois peut-être même, parce que l'album était déjà un petit peu dans les tuyaux et puis je vous avais déjà passé un morceau. Là, l'album s'est enfin concrétisé, il est là dans les bacs. Une jeune femme française donc, qui a un très très très très beau brin de voix qui en plus est accompagnée par du beau monde puisqu'il y a Fred Nardin au piano, Baptiste Herbin au sax, Igor Lupi l'accompagne aussi à la guitare, un beau groupe avec Fabien Marcos aussi à la contrebasse et Romain Saron à la batterie, donc quelques-uns quand même des plus grands musiciens français de jazz et qui depuis des mois lui peaufine cet album. Une belle réussite pour cette chanteuse qui a été notamment élève de Sarah Lazarus, qui était elle-même une chanteuse de très très très haut niveau en France. Donc l'album sort ces jours-ci et dans cet album je vous ai sélectionné une reprise encore, c'est le Monk's Dream, le morceau de Thelonious Monk, Monk's Dream, dont elle fait une version donc chantée sur un texte qu'avait écrit dans les années 60 John Hendricks, le leader de Hendrix et Ross. C'est vraiment une belle version, très très enlevée, très très très belle, qu'elle nous chante là. Donc Cécile Brocas, Monk's Dream, c'est tout de suite. Was pure and true. I dreamed of a job only I could do. One man beside me, we'd be a team. Man, that was a dream. I dreamed it was music I had to play. I dreamed when I played, I would play my way. 2,000 children, boo and toot. Dreams, that was a beaut. All through life, I'd be true. Fortune would come my way. Struggling and getting by, try to never lie. Mean exactly what I say. I dream had fame and life sublime. I dream I met Prince on the sands of time. Smart job in a spotlight, bathed in its beam. Man, that was my dream. that was pure and true. I do never jump, only I could do. One man beside me would be a tune. Man, that was a dream. I dreamed it was music I had to play. I dreamed when I played, I would play my way. Two fussing children, boop and toot. Dreams, there was a beaut. All through life, I did true. Fortune come my way. Still in getting by, try to never lie. Mean exactly what I say. I dream had fame and a life sublime. I dream I met prince on the sands of time. Smart job in the spotlight and faith in its spin. Then, that was my dream. Then, that was my dream. Man, that was my dream. Cécile Brocas avec cette reprise du Monk's Dream de Thelonious Monk, version avec les textes de John Hendrix, a été accompagnée donc de Baptiste Herbin au sax, de Fabien Marcos à la contrebasse, Romain Saron à la batterie et Inor Santo Longo aux percussions et puis l'excellentissime Fred Nardin au piano qui fait un travail absolument dingue sur ce morceau. Voilà pour cette très bel album That Was a Dream de Cécile Brocas qui sort ces jours-ci. Alors évidemment, vous devinez, on va écouter la version originale de Thelonious Monk pour se rappeler un petit peu ce que c'était que ce Thelonious Monk extraordinaire qui venait juste de signer chez CBS à l'époque en 1962. C'est son premier album pour le label américain et c'est aussi celui qui s'est le plus vendu de toute sa carrière. Il y était accompagné à l'époque par Charlie Rose au sax, par John Orr à la basse et Frankie Dunlop à la batterie. Et bon, ça reste vraiment un des grands, grands standards, toujours produit à l'époque par Théo Macero, qui était aussi le producteur de Miles Davis, notamment, et puis de plein d'autres, mais bon, c'est un nom qu'on ne cite pas toujours suffisamment, Théo Macero, parce qu'il a fait un boulot de dingue pour tous ces artistes-là. Monk's Dream, donc, l'original, par Monsieur Thelonious Monk. Voilà, c'était Thelonious Monk et son quartet en 1962 pour cette version de Monk's Dream, qui est l'original donc de ce thème qu'on écoutait auparavant par Cécile Brocas et qu'on va écouter maintenant dans une autre version chantée par Carmen Macrae. Carmen Macrae, grande chanteuse de jazz également, qui signait là un de ses derniers albums en 1988, un album entièrement consacré à Monk, qui s'appelait Carmen Sings Monk, tout simplement. Alors, le jeu de piano de Thelonious Monk est connu pour ses petits décalages rythmiques, pour cette manière de tourner autour du tempo, de décaler les thèmes souvent sur le tempo de la batterie. Et ben, c'était aussi une des caractéristiques de Carmen Macrae, c'était de chanter les mélodies en prenant des aises avec le rythme et en essayant d'entrecouper un petit peu la mélodie en la détaillant par petits bouts comme ça. C'était assez original, ces espèces de contretemps dans son phrasé. Et donc, ça allait particulièrement bien avec l'univers de Monk. Donc, elle reprend elle aussi en 1988 sur cet album Carmen Sings Monk, ce morceau que l'on a écouté déjà juste avant par Thelonious Monk et par Cécile Brocas, le Monk's Dream, donc extrait de cet album de 1988. I dreamed of a life that was pure and true. I dreamed of a job only I could do. One man beside me, we'd be a team. Man, that was a dream. I dreamed it was music I had to play. I dreamed when I played I would play my way. Two fascinating children, Boo-Boo and Toot. Dreams, that was a beaut. All through life I'd be true, fortune would come my way. Struggling and getting by, trying to never lie, mean exactly what I say. I dreamed I had fame and a life sublime. I dreamed I made prints on the sands of time. Smack dab in the spotlight, bathing his beam. Man, that was my dream. I dreamed I made prints on the sands of time. Smack dab in the spotlight, bathing his babe. Man, that was my dream. Man, that was my dream. Carmen Macrae Sings Monk, c'était sur cet album donc de 1988. Et elle était accompagnée par Clifford Jordan au sax, Eric Gunnison au piano, George Mraz à la basse et Al Foster à la batterie. Un petit groupe de rêve pour l'accompagner. Là, alors, on va passer maintenant à l'agenda concert avec pas mal de concerts encore à venir, et notamment ceux de Oussa Noussava au Petit Faucheux le 10 mai, le 11 mai, le PLC ses bandes avec Bruno Ruder, toujours au Petit Faucheux. Et puis le 12 mai, le concert que tout le monde attend, John Scofield et Gerald Clayton à l'Espace Malraux avec le Petit Faucheux également. Ça va être un beau concert. Et puis avant ça, toujours à l'Espace Malraux, et bien le 23 avril, il y aura Rhoda Scott avec son Lady Quartet qui viendra enchanter un peu ce grand rôle de la variété habituellement, et de temps en temps du jazz. Donc le Lady Quartet de Rhoda Scott, c'est donc un quartet uniquement féminin. Une parenthèse aussi pour rendre hommage à un grand monsieur du jazz, Jean-Pierre Vignola, qui vient de disparaître, qui était directeur du festival de jazz à Vienne et qui a travaillé sur plein d'autres festivals et qui était vraiment un grand bonhomme du jazz. Et c'est à lui qu'on devait ce Lady Quartet. C'était lui qui avait suggéré à Rhoda Scott, après sa longue carrière déjà bien remplie, de se relancer avec ce Lady Quartet dans lequel on retrouve Sophie Allour au sax ténor, Lisa Cadbero au sax alto, Julie Sori à la batterie et donc Rhoda Scott à l'orgue et au chant. Donc elles viendront présenter un album dans lequel elles ont quand même invité quelques garçons, et notamment Hugh Coltman et David Lynx. Hugh Coltman et David Lynx, ils seront là sur la scène de l'Espace Malraux le 23 mai. Et on va écouter donc un extrait de cet album avec un morceau chanté par Hugh Coltman qui s'appelle One Night of Sin, vraiment tout à fait dans la lignée de ce que peut faire habituellement Rhoda Scott, un espèce de mélange entre jazz et soul. One Night of Sin, Rhoda Scott Lady Quartet avec Hugh Coltman. One Night of Sin is all that I'm praying for. The things I did and I saw could make the earth stand still. Don't call my name, it makes me feel so ashamed. I've lost my sweet helping hand. I've got myself to blame. Come on. Well, I've always lived a very quiet life. Never did no wrong. Now I know that bad and wild life will cause me nothing but harm. One night of sin is what I'm now paying for. The things I did and I saw would make the earth stand still. Oh yeah, come on now. Thank you. home one night, I'm seeing is what I'm now paying for. The things I did and I saw will make the earth stand still. C'était le Rhoda Scott Lady Quartet en compagnie de Hugh Coltman qui reprenait ce grand standard de la musique de la Nouvelle-Orléans, One Night of Sin. Et ça lui allait comme un gant, comme d'habitude, avec la Nouvelle-Orléans pour Hugh Coltman qui a la voix pour ça. Elles seront donc le 24 avril à l'espace Malraux, jouer les tours, concert à ne pas louper. On arrive au bout de cette émission qui aura un petit peu débordé, je crois, de son horaire habituel, mais enfin, bon, voilà, vous avez l'habitude maintenant. Toujours un petit peu bavard. Et on va terminer, non sans remercier d'abord Maxime qui a assuré la technique avec brio comme d'habitude. Et puis on va se quitter sur un ovni, une sorte de réédition d'album que l'on n'attendait pas ou que personnellement je ne connaissais même pas. Un certain Roland Brival, musicien caribéen, qui dans les années 70, fin 70, a sorti un très très bel album qui s'appelait Créole Gypsy, qui était parti un petit peu dans les limbes, qui n'avait pas été réédité depuis tout ce temps-là, et qui aujourd'hui est réédité. On se rend compte qu'on est passé à côté pendant toutes ces années d'une perle de musique qui allie un petit peu la musique, bien sûr, antillaise, le jazz, et puis des influences soul, funk, même dans le traitement des instruments. Et c'est vraiment une surprise et une belle découverte que cet album dans lequel donc Roland Brival lui joue de la guitare et de la mandoline également et chante, accompagné de Paco Charléry qui joue des percussions, de Bob Monville au sax, de Claude Sommier au piano électrique, Jackie Bernard au piano tout court, Philippe Birdy et Philippe Luc jouent de la basse, Jean-Claude Monredon est à la batterie, et c'est vraiment un étonnant album qui a allie merveilleusement bien les influences caribéennes et puis le jazz, la soul, le funk, comme je vous le disais. Un album à redécouvrir, et on va se quitter sur un extrait de cet album, non sans vous dire de nous retrouver dès lundi prochain pour un nouveau numéro. Ici, aujourd'hui, c'est un numéro très axé sur les chanteurs et chanteuses. Voilà, on essaie de faire des choses un petit peu différentes. Vous pouvez retrouver également en podcast ces émissions sur www.radioactivefm.fr. Elles y sont mises régulièrement par Maxime, et on va donc se quitter avec Roland Brival, un extrait de cet album Créole Gypsy, qui jouit d'ailleurs d'une très belle chronique dans Jazz Magazine, qui m'a permis de le découvrir d'ailleurs. Et le morceau en question, c'est Créole Gypsy, qui donne son titre à l'album. Ça part tout de suite, 1980. Like a crazy rambo in the rain. You're a gypsy. Now you know what it means to be just like a unicorn lost in the storm. Like a merciless child in pain. kind of sense up unto you what it's all. You're driving crazy, your body's in fire. Don't you keep on running that way, Creole gypsy mind. Trying to be a shining light, dancing in the air. Hear the music spin. Mind. Try to be a shining light, dancing in the air.